mélange les couleurs dans la potion. Le temps c'est de l'argent, j'en perds la notion. J'ai fait sauter leur tête à la caution. S'ils essayent de copier ma potion, je suis sur le terrain comme averse. J'peux voir les billets, on dirait une averse. Envoie le cachet, une adresse, car c'est la vraie vie, je te pars pas métaverse. Faut pas que tu compares nos levels. Des grosses lassons en euros, j'en ai 7. J'ai fini le scam sur le PSN. On a la fibre, ils ont la DSL. C'est trop sale, donc on ferme les rideaux. Pas le temps pour les hop et ni pour les mythos. Et je leur balance le feu comme un zippo. Je m'occupe même pas d'eux, je leur envoie des petits rots. Change de spot et on change de sim. T'inquiète pas, on rattrape pas nos chances de tir. À part Dieu, j'ai peur de son père, donc je garde mes arrières droits comme Trent. Si tu croises les traits, chlasse-les. Si tu croises les babes, trace-les. Dans le bendo, c'est toujours la même chose. Les frères portent le glock ou bien le bracelet. Je mélange les couleurs dans la potion. Le temps c'est de l'argent, j'en perds la notion. J'ai fait sauter leur tête à la caution. S'ils essayent de copier ma potion, je suis sur le terrain comme averse. Je peux voir les billets, on dirait une averse. Envoie le cachet, une adresse, car c'est la vraie vie, je te pars pas métaverse. Tu testeras, besoin d'assistance. La balle te traverse, peu importe la distance. Il est plus qu'à danse, mais c'est pas TikTok. Big shot, on veut peser comme Rick Ross. Faire du beef sur le côté comme Walker, Skywalker. Ils épistés comme Stalker. Trop de hache, je suis glacial, des rêves en Lamborghini et des cauchemars en Dacia. Il me faut du cash sur la mélo, température zéro. J'suis neuf comme Agüero. Il faut du cash, c'est la trap life, pas de Mac Light. Je suis prisé comme 4 snipes. Ça se demande pourquoi juste distant, shot sur un qui veut jouer des trafiquants. Hat-trick avant la mi-temps, chez nous ça brr-brr comme en Afghanistan. Je mélange les couleurs dans la potion. Le temps c'est de l'argent, j'en perds la notion. J'ai fait sauter leur tête à la caution. S'ils essayent de copier ma potion, je suis sur le terrain comme averse. J'peux voir les billets, on dirait une averse. Envoie le cachet, une adresse, car c'est la vraie vie, je te pars pas métaverse. Je mélange les couleurs dans la potion. Le temps c'est de l'argent, j'en perds la notion. J'ai fait sauter leur tête à la caution. S'ils essayent de copier ma potion, je suis sur le terrain comme averse. J'peux voir les billets, on dirait une averse. Envoie le cachet, une adresse, car c'est la vraie vie, je te pars pas métaverse.